Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Marius Jacob, l'Arsène Lupin au drapeau noir. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Vous l'avez reconnu, Arsène Lupin, le héros de Maurice Leblanc, immortalisé à l'image par Georges Descrières ou Romain Duris. Le gentleman cambrioleur qui, avec ses gants blancs, s'introduit chez vous la nuit, des robes, bijoux et tableaux, et avant de s'éclipser, dépose sur le piano une carte de visite, élégante signature de son forfait. Mais ce que l'on a un peu oublié, c'est qu'il y eut un vrai Arsène Lupin. Non moins gentleman, mais beaucoup plus provocateur, l'anarchiste Marius Jacob. C'est son histoire, rocambolesque et flamboyante, que je vais raconter ce soir. Celle d'un petit Marseillais né sur le Vieux-Port, qui aimait lire et rêvait d'aventure. Son destin semblait tracé, devenir marin ou ouvrier. Prolétaire donc. Mais à 16 ans, Marius Jacob dit non à cette vie-là. Il sera anarchiste et voleur. J'ai préféré être voleur que voler, dira-t-il lors de son fracassant procès de 1905. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Patrick Péchereau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur de romans policiers, de scénarios de BD, de romans jeunesse aussi, et auteur de fiction aussi, pour autant n'importe l'histoire. On se souvient de Rirette, Maître Jean, du Col Claudine à la bande à Bonneau, ou de Édouard Buguet, le photographe des fantômes. Et c'est vous, donc, qui avez écrit le scénario de ce soir consacré à Marius Jacob. Comment se fait-il, je me suis demandé, qu'autant de films, cinéma, télé étaient consacrés à Arsène Lupin, et si peu, pour ne pas dire pas du tout, sur Marius Jacob? C'est un peu un mystère. On peut peut-être lever un peu le voile du mystère en pensant que Lupin a éclipsé Jacob et qu'il était sans doute plus facile et peut-être plus inodore, si je puis dire, d'illustrer la vie d'un personnage de fiction que celle d'un authentique bandit, comme on disait jadis, des bandits à idées, qui lui était, comme vous l'avez dit, beaucoup plus provocateur et qui menait à sa façon une guerre ouverte contre la société de son temps. Donc je dirais que c'était un peu plus tranquille d'illustrer Lupin que Jacob, mais c'est sans doute pas que ça. Je pense que Jacob a été un peu oublié, tout simplement, y compris du milieu cinématographique, qui n'est peut-être pas très... Pourtant, sa vie a été haute en couleur. Sa vie a été plus que haute en couleur, absolument. Donc c'est à 16 ans, donc on reviendra sur sa jeunesse, mais c'est à 16 ans quand il revient à Marseille, parce que donc le jeune Marius Jacob est parti à 11-12 ans comme mousse sur les mers du monde entier. Il revient à Marseille, donc il a 16 ans, en 1895 par là. C'est à ce moment-là que Marius Jacob va découvrir l'anarchie et après donc se lancer dans le vol. Pouvez-vous nous expliquer, Patrick Péchereau, ce que c'est l'anarchie en cette fin 19e siècle, en France notamment? L'anarchie, c'est une école, peut-être il ne faut pas employer ce mot-là, mais c'est une école de pensée qui a longtemps été l'école dominante dans le milieu ouvrier français, et pas que français, notamment avant Marx. On connaît beaucoup Proudhon, par exemple, qui a influencé et qui influence toujours nombre de penseurs d'aujourd'hui. Proudhon, c'est la propriété, c'est le vol, c'est lui, hein? Voilà, mais on a résumé sa pensée à ça, et puis on en a fait autre chose que voilà. Il parlait de la propriété des moyens de production et pas de la propriété privée. Voilà. Mm-hmm. Enfin, Marius Jacob, lui, il pensera bien à la propriété privée voilà. Individuelle. Voilà. Oui. Et donc cette forme de pensée vise à instaurer, la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme et à bâtir une forme de socialisme non autoritaire et anti-étatique. Voilà. Donc il y a eu plusieurs courants de pensée à l'intérieur de l'anarchie au fil du temps. Il y a eu des collectivistes, des communistes libertaires, des individualistes. Voilà, tout ça se mêle dans cette grande famille des anarchistes. Et pendant vraiment très très très longtemps, ils ont été la famille dominante du mouvement ouvrier. Et la CGT a été créée à l'initiative de militants du mouvement ouvrier, dont beaucoup étaient anarchistes, comme Fernand Peloutier, qui a créé les Bourses du Travail en son temps, avec leur fonction d'éducation populaire, par exemple. Donc en 1895, au moment où donc Marius Jacob va s'engager dans l'anarchie, on sort quand même d'une période extrêmement violente avec des attentats anarchistes qui ont fait des morts, quoi. C'est pas de la rigolade. Non, c'est pas peace and love à l'époque. Non, non, il y a eu une période d'attentats qui... Faut voir aussi que ces attentats s'inscrivent après la féroce répression de la Commune, hein, qui avait quand même décimé le mouvement ouvrier, après des grèves qui ont été réprimées très très fortement par l'armée, et plusieurs militants anarchistes ont mis en place ce qui s'appelait la propagande par le fait, c'est-à-dire qu'ils allaient poser des bombes, par exemple, dans des endroits très ciblés. Ça visait très souvent, par exemple, tel préfet de police, tel président de la République, puisque Sadi Carnot a été assassiné par un anarchiste italien qui s'appelait Caserio. Voilà, c'était cette période d'attentat anarchiste très fort, qui a été suivi par ce qu'on a appelé les lois scélérates, qui ont donné lieu à une grande répression dans le mouvement libertaire et qui ont elles aussi fortement marqué leur temps. Et puis après, la vague d'attentats a disparu, je veux dire, c'est passé à autre chose. Et Marius Jacob, lui, brièvement, il se situe dans quelle tendance, justement? Lui, il est contre les attentats, il est non-violent. Alors, faut savoir déjà que les anarchistes n'étaient pas tous d'accord avec les attentats. Hein. Mais Marius Jacob n'est pas non-violent. Marius Jacob, il n'aura jamais de sang sur les mains pendant toute son action de voleur. Il tuera un homme au bagne, mais ça, on sera peut-être amené à en reparler après. Mais il se définit pas comme un non-violent. Donc, il se définit comme quelqu'un qui est en guerre contre la société. Par contre, il prendra bien garde à ne jamais attenter à la vie humaine lors de ses vols. Il fait une exception en cas de légitime défense. S'il est poursuivi par la police, il décide qu'il peut tirer. Mais voilà. Merci Patrick Péchereau. Je propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Marius Jacob, l'Arsène Lupin au drapeau noir. Un texte donc de vous, Patrick Péchereau, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. La réalisation est signée Benjamin Habitant. Je suis un révolté vivant du produit de ces cambriolages. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon, ni indulgence. Et ça avait de la gueule. Et ça disait bien ce que j'avais envie de leur sortir. C'était il y a 50 ans, le 8 mars 1905. Je revois leur tête comme si c'était hier. 9 bons bourgeois à gras de panse, lourds d'esprit, jurés le rôle de leur vie. Gonflés de suffisance, bardés de morale, farcis de certitude. Ils jugent. Et quand ils en auront fini, ils raconteront à tous les braves gens comment ils ont châtié le crime et puni les coupables. Coupable, je l'étais et je l'ai revendiqué. Vous pouvez m'envoyer au bagne ou à l'échafaud, peu m'importe, je reste insoumis. Ça leur avait coupé le sifflet. Aujourd'hui, j'avoue un petit plaisir à repenser à leur mine. La justice, quelle farce. Très peu pour moi. Attention, il ne faudrait pas me prendre pour un parasite ou un fainéant. J'aime le travail. Ce qui me répugne, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire. C'est de créer des richesses dont je serais frustré. En volant, je reprenais possession de ce dont on m'avait privé. 1954. Celui qui fait ainsi le bilan de sa vie se nomme Alexandre Marius Jacob. Bien peu parmi ceux qui le croisent croiraient que ce marchand forain débonnaire, établi dans le Berry, fut l'un des plus extraordinaires cambrioleurs du siècle. Né en 1879 à Marseille, engagé mousse à 11 ans, Marius Jacob a fait le tour du monde avant de déserter lors d'une escale à Sydney. Arrêté à son retour en 1893, il est jugé pour désertion et acquitté en raison de son jeune âge. Jacob a alors 17 ans et milite dans les rangs anarchistes. La découverte à son domicile d'un explosif que lui avait confié un camarade, par ailleurs indicateur de police, lui vaut sa première peine de prison. Libéré 6 mois plus tard, en butte aux tracasseries policières qui lui interdisent d'occuper un emploi stable, il rejoint l'illégalisme. Ce courant du mouvement anarchiste prône une vie en marge de la société et considère le vol comme un acte de lutte contre les injustices. Marius Jacob ignore encore qu'il va entrer dans la légende. Ça va, Léon, j'ai l'air assez flic. Marius, t'aurais dû faire du théâtre. Pour un peu, je m'y tromperais. Bon, allez, Zou, on y va. À toi l'honneur. Police, ouvrez! Alphonse Gilles, commissionnaire du Mont-de-Piété. Oui, Inspecteur Ponce et Bayard, nous aimerions voir les objets que vous gardez en dépôt. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que... Allons, ne perdons pas de temps. Ah, bon. On nous a signalé que ces objets n'auraient pas une origine régulière. Vous voulez dire que... Qu'ils auraient été volés. Volés? Et ce qui n'arrange rien, les derniers en date l'auraient été à la suite d'un assassinat. Oh mon Dieu! Vous ne pensez tout de même pas que je... Je ne pense en rien. Ouvrez votre coffre, je vous prie. Oui. Tout de suite, monsieur l'inspecteur. Vous savez, je suis un honnête fonctionnaire. Un livre de compte, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, tout de suite. Voilà, les voici. Bien. Nous allons procéder à l'inventaire. Je note. En ce jour, 31 mars 1899, après avoir fait procéder à l'ouverture du coffre du sieur Gilles, nous trouvons... Deux paires de chandeliers. Une parure or sertie de diamant. Une parure... Trois alliances. On divorce beaucoup par ici. Service en porcelaine de Sèvres. Service en... Vase de Gien. Assiette de Limoges. Une ménagère en argent. Tiens. Où se trouve la ménagère sur vos livres de compte? Mais ici, inspecteur Voyer, regardez là. Ce que je vois, c'est qu'il ne fait nulle référence au poisson qu'elle porte. Ah ben, croyez que si une erreur a été commise, vraiment, c'est que c'est vraiment indépendant de ma propre... Et cette montre? Eh bien... Elle est sur la liste des objets volés à leur propriétaire assassiné. Mais c'est impossible. Nous allons vous demander de nous suivre. Vous suivre? Au palais de justice. Vous vous expliquerez avec le procureur de la République. En route. Allez-y, je prendrai la seconde voiture avec la marchandise. Le procureur se fera une joie de l'examiner. Messieurs, je vous le jure, je suis un honnête commerçant. Vous aurez tout le loisir de prêter serment plus tard. En route. ...1899. Marius Jacob vient de réussir son premier coup. Son déguisement de policier trompera jusqu'aux gardes du palais de justice. Sitôt arrivé... Il laisse sa victime attendre, dans un couloir, une entrevue avec le procureur qui n'aura bien sûr jamais lieu. Et pour cause, les objets en dépôt n'avaient aucune provenance douteuse. Le pauvre commissionnaire sera trouvé sur un banc par un gendarme de garde. À l'heure de la fermeture du palais, il attendait toujours de témoigner de sa bonne foi devant le magistrat, dont c'était le jour de congé. Le malheureux Gilles ne méritait pas une telle humiliation. Mais l'histoire est trop belle pour ne pas mettre les rieurs du côté des bandits. Elle porte déjà la marque de Jacob. Audace et pied de nez à la société. Le butin, estimé à 400 000 francs, est partagé entre les complices. Après avoir donné à sa mère de quoi payer son loyer et solder les dettes familiales, Jacob entrevoit déjà de nouvelles expéditions. Marius, tu es là ? Il ne répond pas, il a dû sortir. À 7h ? Il n'a pas d'heure, tu le connais. Je n'entends pas Négro aboyer. Il l'a emmené avec lui. Ils sont inséparables. Marius et son chien pourraient en faire un roman. Tu as 102 13 ans. Tout de même, à 7h, c'est inhabituel. Oh, Josette. Une porte fermée et l'amour te mord. Ne te moque pas. Je croyais ton Marius retiré de la cambriole depuis une éternité. Pourquoi dis-tu cela? Tu le sais bien. Il faut croire qu'il n'a pas renoncé, puisqu'il vole les cœurs à présent. Voler, c'est être un peu oiseau. Oiseau de nuit, bien sûr. Qui dira jamais la douceur de l'ombre, la lune complice qui se voile à l'approche d'un roussin ou d'un imbécile prompt à donner l'alarme. Le pied de biche, les ouistiti, la plume. Joli nom pour les outils qui ouvrent les portes sur le monde sucré des riches. Les villas endormies où volaient clos comme des paupières, les demeures de maîtres, les folies au salon adorable. Il faut s'y accorder, on ne pille pas une bonbonnière comme à la maison d'un rentier. La cambriole, c'est un métier. Le geste doit être sûr, l'oreille fine, l'œil vif, les nerfs tendus mais sans plus. Trop de tension et c'est la main qui tremble, le cœur qui bat comme un tambour, bien trop bruyant le tambour. La nuit doit être silence, chauve-souris, chat de gouttière, frôlement et chuchotement. Pendant qu'au creusot, les ouvriers s'esquintent sur leurs machines, pendant qu'à Lens, les mineurs crachent leurs poumons, pendant qu'à Brest, les sardinières s'écorchent les doigts aux écailles de poissons, les propriétaires des villas sont à Trouville ou au Crotoy, casino et bains de mer. À leur santé. Le gramophone couvrira le bruit du chalumeau. Nous percerons sur fond de Bizet ou de Puccini. En partant, nous laisserons des pièces vides et une carte de visite en remerciement. Les oiseaux de nuit vous saluent. Commissaire, encore un vol. Un de plus. À Béziers, chez la comtesse de Cassagne. Le même procédé qu'à Narbonne, à Nîmes, à Allo. Bilan ? Bijoux, argenterie, meubles. Il y en a à peu près de 9000 francs. Ils ne sont pas parvenus à ouvrir le coffre. Tout de même. Mais ils ont laissé une carte. Eh bien, dites. Vous vous arrachez les mots ? Salaristo. Pardon ? C'est ce qu'ils écrivent, commissaire. Ça s'adresse à la comtesse. Donnez-moi ça. Salaristo, nous n'avons pas eu assez de temps sans quoi ton coffre serait allégé passablement à la prochaine fois. Et c'est signé Attila. Bon sang. Pas un mot sur cette carte à la presse. La police a été suffisamment ridiculisée avec l'histoire du Mont-de-Piété à Marseille. Ça. Attila n'amusera plus longtemps la galerie. Il n'est pas le seul à écrire. Ah. Les Français aiment ça, écrire, même lorsqu'ils ne signent pas. Attila, ou plutôt Jacob, arrivera demain à Toulon par le train de 12h35. Le 12 septembre 1899, Jacob est arrêté en sortant de la gare. Il est condamné à 1 an de prison, une peine qui s'ajoute aux 5 ans que lui avait infligé par contumace le tribunal de Marseille. Mais on n'encage pas si facilement un oiseau de nuit. Jacob simule la folie. Placé à l'asile d'Aix, il s'en évade par les toits 6 mois plus tard, aidé de l'extérieur par ses compagnons. Jacob trouve refuge chez l'un d'eux le temps de se faire oublier. Sa planque lui donne le loisir de réfléchir à son illégalisme. Acte individuel, il n'ébranlera jamais à lui seul la société. Une vie en marge n'est rien si elle ne sert pas au grand dessein anarchiste. Marius Jacob décide de créer ce qu'il appellera une entreprise de démolition sociale. Il réunit autour de lui des compagnons qui partagent les mêmes idées et le même goût pour le vol. Ils se baptisent les travailleurs de la nuit. Un bien bon nom, n'est-ce pas ? La nuit, pour ses mystères, la couleur de ses chats et nos horaires de labeur. Travailleurs parce que nous l'étions. Crocheteurs de serrures, perceurs de coffres forts, déménageurs à semelles de vin, escaladeurs de murailles, funambules des toits. Des artisans de la reprise sociale. Notre règle, reprise individuelle chez tout parasite. Militaires, juges, prêtres, etc. Jamais d'expédition chez ceux qui font œuvre utile à la société. 10% minimum du produit de nos vols reversé aux œuvres de propagande anarchiste. Le reste, pour nos poches. Interdiction du meurtre, sauf en cas de légitime défense. Le cal de la cambriole sur les mains, mais jamais de sang. Ah, mes compagnons, pêcheurs d'étoiles, rêveurs d'avenir meilleur, camarades au noir drapeau, où êtes-vous ? Et toi, Marie, ma petite mère, qui fut toujours fidèle à ton fils et à nos fichues idées. Belle baraque, elle promet. Les scellés sont toujours sur la porte. C'est bon, le proprio est absent. Normal, il navigue. Julien Villot, officier de marine. On va alléger sa cargaison. Passe-moi les caroubles. Est méfiant dans la marine. Il s'est fait poser une serrure au coriace. Tant pis pour lui. Je dégonde. Et voilà. Bienvenue à bord. N'oublie pas de refermer. Pas de danger, Marius. Avec le truc que tu as fabriqué, même sans gonds, une porte à l'aéropoil. Tu aurais dû te présenter au concours Lépine. Ce truc inventé par le préfet de police ? Merci bien. Chut ! Il y a quelqu'un dans la rue. Ah, c'est bon. Il s'agissait d'un passant. Marius, ton truc, c'est champion. Il suffisait d'y penser. Ça ne me serait pas venu à l'idée. Mettre un crapaud dans la conduite d'eau donnant sur la rue. Eh, comme tous les crapauds, Ravachol adore chanter. Mais il est timide. Il s'interrompt dès que quelqu'un approche. Comme signal, on ne fait pas mieux. Allez, maintenant, on peut y aller. Allume. Mince de Turne, regarde-moi ça. Tableaux, meubles anciens, lustres en cristal, et tous ces machins-là. On se croirait chez le Grand Turc. Un officier de marine à sa voyage. C'est vrai, ça te connaît, Marius, la marine. J'en ai assez bavé sur leur paquebot de luxe. Dans les salons, c'est champagne et valse de Vienne, mais l'équipage, lui, a droit à une autre musique. Allez, on décroche, on emballe, on emporte. J'ai dégoté le coffre, derrière le portrait du Bédouin, là. Oh, banco, Joseph. Mais, attends. Éclaire au mieux le tableau. Le visage du type me dit quelque chose. Il y a un truc écrit en petit, là. Julien Viau dit Pierre Loti. Eh merde. Ben quoi? Pierre Loti, l'écrivain. On est chez lui. Mais pas chez Viau. L'évidence, c'est la même, on n'a pas fait gaffe. Loti, c'est son nom d'artiste. Qu'est-ce qu'il fout déguisé en bédouin? Il adore l'exotisme. Allez, on remet tout en place. Hein? Règle numéro 1, on vole les parasites et les exploiteurs. Les écrivains n'en sont pas, c'est des travailleurs de la plume, comme nous. Tu écris, toi? Pas avec cette plume-là. Cette plume? Ah, j'y suis. La plume, la pince, monseigneur. Voilà. L'audace et le style de Jacob lui apporteront la renommée jusque dans le monde littéraire. Marius Jacob serait ainsi le vrai Arsène Lupin. Du moins aurait-il inspiré Maurice Leblanc pour créer son célèbre gentleman cambrioleur. Les méthodes de Lupin évoquent celles de Jacob. Les cartes de visite laissées sur les lieux des cambriolages, le refus de la violence, les mille et un trucs inventés au service du vol. En la matière, Jacob innove. On lui doit ainsi l'utilisation du parapluie, évitant la chute bruyante de gravats lors du percement d'un plafond. À Jacob encore, le dispositif donnant aux portes fracturées une apparence normale. À Jacob toujours, les scellés posés lors des visites préparatoires au cambriolage. Morceaux de papier ou cheveux collés sur les issues d'une demeure repérée indiqueront, s'ils sont toujours en place, qu'elle est bien inoccupée. Dans le cas contraire, les cambrioleurs rebrousseront chemin. Quant au Bristol déposé sur le lieu des forfaits, il relève d'un humour que ne dédaignerait pas Lupin. Dans une usine dont le patron a subi l'une de ses visites nocturnes, Jacob souhaite le bonjour à tous. Dans une église qu'il vient de cambrioler, il écrit « Dieu Tout-Puissant, recherche ton calice ». À un magistrat dévalisé, il adresse un ironique « Au juge de paix, nous déclarons la guerre ». Alors, Lupin, avatar de Jacob. Marius, tu es rentré? Monsieur Jacob, je vous apportais de la lecture. Il n'est toujours pas là. L'arrestation d'Arsène Lupin, ça devrait l'amuser. Il paraît qu'il en serait à l'origine. L'arrestation? Mon Dieu! Et si... Le blanc, je l'ai lu, bien sûr. Pour l'imagination, c'est champion. Mais pardon, nous ne sommes pas du même monde. Je suis un anarchiste de la cambriole, moi. Chez nous, pas de chef. Les travailleurs de la nuit sont une libre association. Tu en es, bienvenue. Tu veux partir, bonne route. Attention, ce n'est pas le foutoir pour autant. L'anarchie, c'est l'ordre, moins le pouvoir. De l'organisation, il en faut, mais la nôtre est librement consentie. Si ça te rebute, passe ton chemin, personne ne t'en voudra. Le vol a ses règles, mieux vaut les suivre. Dans la corporation, les accidents de travail se comptent en années de prison ou en plomb dans le ventre. Ah, mes camarades, mes frères, mes chers fantômes, nous avons tout vécu. Des nuits à toucher les étoiles et des aubes besogneuses. Des jours sans pain et des matins de roi quand l'aube monte sur l'aile d'un rossignol et que le sac est plein. Il y avait le quotidien aussi, ingrat mais nécessaire. La revente du butin, son maquillage. Quoique, même là, l'instant valait d'être vécu. Pour faire voyager discrètement une toile de maître, la recouvrir d'une peinture anonyme n'est pas donné à tout le monde. On appelle ça un repentir, il paraît. Repentir. Bah, pour ces repentirs-là. Quant aux autres, pas une once. Nous volions ceux qui s'étaient enrichis sur le dos du pauvre monde. Alors, qui étaient les bandits? Nous ou eux? Bon, on résume. Je file à Anvers négocier les diamants. Brunus se charge de faire fondre la joncaille. Devenus lingots, les louis seront plus faciles à écouler. Bourg part en repérage à Caudebec. Adair et Ferré sont en opération au Mans. Ils seront là demain. Mais t'as vu qu'ils vont apporter de chouettes souvenirs à ta mère. Ils l'adorent. Ah, peu cher, Joseph. Tout le monde l'adore. Sans compter qu'elle prend sa part de travail. Pour un peu, je dirais, la sainte femme. Oh, Marius, te voilà bigot. C'est vrai que tu t'es déjà déguisé en curé. Ça t'a peut-être laissé des traces. Moins que le tableau du Baudoir Rouen. Un beau spécimen de Tartuffe, celui-là. Même toi, tu as été surpris quand tu as dégoté ces toiles. Ah, dame, les saintes qui y figuraient avaient de quoi convertir bien des pêcheurs. Et je n'imaginais pas ainsi les génuflexions. En voilà un qui n'a pas été porté plainte. Il aurait fait beau voir, on lui avait laissé ses images pieuses. Bien exposées dans l'église même. Bon, fin de la récréation. Les camarades espagnols sont dans la panade. Je pars la semaine prochaine de leur porter de quoi faire face. J'en profiterai pour repérer une ou deux baraques. D'ici là, ceux qui veulent contribuer au soutien pourront me confier leur participation. Marius, écoute là. Quoi? Tu n'as pas entendu? Non. Chut! Est-elle loupiote? T'es trop nerveux, Joseph. C'est Proudhon. Proudhon? Le chat, celui de ma mère. Les travailleurs de la nuit mettent sur pied une véritable entreprise de la cambriole à grande échelle et font en la matière figure de novateurs. Carte de France à l'appui, ils écument les régions et mettent à profit le développement du réseau ferré pour accroître leur mobilité. Et la marchandise est fréquemment écoulée au-delà des frontières. Le travail est réparti en brigades. Deux compagnons partent en repérage, placent les scellés et observent. Un télégramme codé avertira leurs camarades qu'ils peuvent les rejoindre ou les préviendra que l'affaire doit être annulée. Cambriolage et voyage se multiplient à un tel rythme que Jacob recourt parfois à des injections de caféine pour tenir la cadence. Entrez. Ah, inspecteur, vous avez fait analyser l'écriture des Bristol? Le graphologue est formel, commissaire. Que les cambriolages aient eu lieu à Nice, Cherbourg ou Beauvais, l'écriture est de la même. Bien. Et tous les libelles sont dans le même esprit. Moquerie de l'autorité, de la propriété, des institutions. Nous sommes en présence d'un groupe d'anarchistes. On réactive nos indicateurs? Et comment? Ces lascars ont l'air particulièrement malins. Voilà des mois qu'ils opèrent sans que personne n'ait pensé à nous faire remonter l'affaire. Bon sang. Nous sommes pourtant la sécurité nationale. À croire que non. Des mois sans que personne n'ait songé qu'il pouvait s'agir de la même bande et qu'elle porte le drapeau noir. Oui, mais les vols ont lieu partout. Difficile de faire le lien entre un cambriolage à Menton et le pillage d'une église à Compiègne. Nous sommes en 1903, pas au Moyen-Âge. Il serait temps de donner à la police une organisation digne de ce nom. En attendant, je veux qu'on croise toutes les informations qui nous remonteront avec le fichier de la sûreté, c'est compris? Il en sortira bien un nom. Même chez les anarchistes, il y a toujours un leader. Celui qui écrit les Bristol, par exemple. Ce sera fait, commissaire. Ah, important. Revue de presse. Revue de presse? Chaque jour, je veux voir sur mon bureau tous les journaux régionaux. Les journalistes sont friands de ce genre de forfait. Rien ne doit nous échapper. Vous avez vu le progrès de Lyon? Non. Un cambriolage d'une spectaculaire audace. Et le journal de Normandie? Les malfaiteurs s'introduisent par le plafond et laissent un message narguant le propriétaire. Et ça encore, Rouen. Les voleurs emportent les tapisseries de l'église Saint-Godard, mais dédaignent une inattendue collection d'images lestes. Au train où vont les choses. Une certaine opinion finira par les approuver. Oh, tout de même. Vous verrez. On commence par rire, puis on applaudit. La populace aime les mandrins, les cartouches, les Robin des Bois. Qu'on s'en prenne aux riches lui procure le sentiment qu'on la venge. Qu'on la venge? Mais de quoi, grand Dieu? Et de tout. de sa condition, d'un travail trop dur, d'un salaire trop bas, du prix du pain, des loyers, du froid, de la pluie, de la grêle, tout, je vous dis. Entre eux et ceux qu'ils nomment les bourgeois, ils voient un fossé, que dis-je un fossé, une barricade. Ils y placent de leur côté les malandrins qui s'en prennent aux honnêtes citoyens sous prétexte qu'ils ont réussi. Non, croyez-moi, Duval, il faut mettre cette bande hors d'état de nuire avant que ses membres ne deviennent des héros populaires. Il en va de la paix sociale. Comptez sur moi. Ah, et n'oubliez pas. Ne laissez pas le rire s'installer. Il pourrit tout. Souvenez-vous de Guignol. Depuis son invention, taper sur le gendarme est un sport national. Et écoutez les chansons qui courent les rues, celles des Bruants, Montéus, Gaston Couté. Elles sèment l'esprit de révolte et la sympathie pour la canaille. La canaille. Ce n'est pas par hasard si cette vilaine goualante fut le chant de la commune. C'est la canaille. Eh ben j'en suis. Tout est dit, non? Allez. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Mon vieux négro, la canaille, ça te connaît. On était fait pour s'entendre. Ton nom te va bien, tiens. Négro, noir en espagnol. La couleur de ton pelage et de notre drapeau. Tu me regardes avec tes bons yeux de vieux chien capable d'aimer l'humanité entière. Ah, si les hommes avaient tous ce regard. Quand je t'ai dégoté, tu n'étais qu'un chiot tout mignard. Ah, ça, Marie a eu le béguin illico. Marie, ma pauvre mère. Elle n'était pas la dernière sur la brèche. Combien de fois nous a-t-elle aidé à cacher celui-ci, à nourrir celui-là? Et ça tambouille. Les compagnons en salivaient rien qu'à en parler. Ma petite mère. Sans elle, je ne sais pas comment j'aurais tenu. Derrière les barreaux, la vie est terrible. On s'est écrit 1000 lettres sans que la chiourme ne détecte le moindre code. Et pourtant, enfin, c'est ainsi. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Hein? Que dis-tu, le museau levé? Un temps pour aimer. Ah, je vois, tu veux parler de Josette. Tu l'aimes bien, toi aussi. Quelle drôle de fille. À 27 ans, s'amouracher d'un vieux bonhomme de 50 ans, son aîné. Josette, un soleil sur mon hiver. Crois-tu, pas une heure sans que je pense à elle. Un vrai collégien. J'aurais vécu l'anarchie jusque dans l'amour. Jusque dans la vieillesse. Non, non, ce n'est pas normal. Il me fait toujours savoir quand il s'absente. Allons, il va rentrer. Hier encore, il organisait une fête pour les enfants du village. Ils s'en sont donnés. Mais t'as vu qu'ils se souviendront de leur été 54. Après ça, Marius aura éprouvé le besoin d'un peu de solitude dans la nature. Tu sais comme il est. Je sais aussi que la police ne le laissera jamais tranquille. Même après toutes ces années. Josette, tu es pincée à ce point? Un homme qui pourrait être ton grand-père. Tu ne vas pas te mettre à la morale, toi aussi. Pour des amants, l'âge est sans importance. Commissaire, en ressortant des affaires qui pouvaient présenter des éléments comparables, je me suis souvenu de cambriolages survenus dans le Midi lorsque j'étais inspecteur. Parmi elles, un vol chez une comtesse et un Bristol, déposé par le voleur qui s'était auparavant rendu coupable d'un tour pendable à Marseille. Ce Bristol? Et je l'ai demandé au greffe du tribunal, c'est la même écriture. Et son auteur se nommait? Alexandre Marius Jacob. Il figure au fichier des anarchistes particulièrement dangereux. Bien, très bien Duval. Les camarades avec lesquels il a milité, ses complices marseillais de l'époque, les articles qu'il a pu écrire, les feuilles de choux qui les ont publiées, tout, je veux tout. Et vous l'aurez? Nous y travaillons déjà. Que Jacob savoure sa liberté. Il n'en a plus pour longtemps. Abbeville, 21 avril 1903. Marius Jacob n'a pas repéré moins de 11 cambriolages possibles. Joseph Ferrand l'a rejoint. La nuit sera belle. Du moins le croit-il. Vérification faite, les scellés ont été rompus dans 10 des 11 demeures. Les deux amis se rabattent donc sur la 11e, un hôtel particulier. La vitre qu'ils brisent pour s'y introduire réveille un couple de voisins. L'alerte est donnée, c'est la fuite. Il fait nuit noire, les deux hommes cherchent à rejoindre une gare. Ils se perdent erre des heures avant d'échouer dans la cabane d'un employé des chemins de fer. L'homme fait semblant de les héberger. Ils ne sont pas plutôt endormis qu'ils courent les dénoncer. Et à l'aube... Je vous ai pris, toute résistance serait inutile. Et ça, c'est inutile. Oh ! Vive l'anarchie ! Le bois là-bas, vite ! Merde, le flic, je l'ai buté. T'étais obligé de tirer, c'était lui ou nous. Je prends tout sur moi. Il ne nous tient pas encore. On se sépare, chacun de son côté. On aura plus de chance. Rendez-vous à Paname. Espère qu'on y arrive. Les deux amis ne reverront pas Paris. Repris, ils sont emprisonnés. Le procès des travailleurs de la nuit s'ouvre le 8 mars 1905. Ils sont 23 sur le banc des accusés. Jacob sait qu'il n'a rien à perdre. Il fait de son procès un procès politique. Revendiquant 150 cambriolages, il multiplie les déclarations fracassantes, les bons mots, et retourne le public. La foule, d'abord hostile, s'esclave à ses traits d'humour et se laisse gagner par la sympathie envers ce Robin des Bois anarchiste et ses compagnons. Le soutien s'organise, mais le verdict tombe. Marius Jacob est condamné au bagne à perpétuité aux îles du Salut, en Guyane. Ferrand a 20 ans de la même peine. Selon leur implication, les autres compagnons écopent eux aussi du bagne ou de la prison. Beaucoup y mourront. Marie, la mère de Jacob, est condamnée à 5 ans d'emprisonnement. Ah, ma mère! De savoir derrière les barreaux n'a pas été la plus petite des peines. Ma seule consolation, ton emprisonnement t'a empêché de commettre la folie que tu avais en tête. Venir vivre aux îles pour être près de moi. Je t'aurais au moins épargné de voir ton fils au bagne. La guillotine sèche, comme nous l'appelons, nous les forçats. Peu ont eu la chance d'y survivre. La faim, la fièvre, les serpents, les scorpions, la brutalité des gardes chiourmes, les traitements inhumains, la sauvagerie des bagnards eux-mêmes, prêts à tuer pour un repas, un regard, le refus d'une caresse. Au fil des années, j'ai vu mourir mon brave Ferrand et bien des camarades. Je n'ai pas plié. Quelques compagnons m'y ont aidé, comme je les ai aidés à mon tour. Mais surtout, une idée m'a tenu en vie, fragile et brûlante, m'évader, la belle. Combien de fois en ai-je rêvé? Combien de fois m'y suis-je préparé? Je crois avoir tout essayé. Le creusement de tunnels, le bricolage de radeaux bien incapables de résister au courant, l'absorption de médicaments pour qu'on me croie mort et qu'on jette mon corps à la mer, l'eau froide étant censée me réveiller avant la noyade et avant que les requins me dévorent. J'ai même voulu attraper la lèpre pour qu'on m'expédie dans une léproserie d'où j'aurais pu m'évader plus aisément. Tu n'as pas tout su, Marie, tu ne l'aurais pas supporté. Mais tes lettres m'ont permis de tenir, de déjouer la censure, de tromper l'administration pénitentiaire et ses chiens de garde. Marius Jacob effectuera 17 tentatives d'évasion. Il ne cessera de correspondre avec sa mère et leurs lettres codées permettront à Marie de travailler à son soutien. Au terme d'une longue campagne d'opinion, Marius Jacob est rapatrié après 20 ans de bagne, dont 10 de mitard et de cellule. Transféré à Fresnes, il est libéré le 30 décembre 1927. Abandonnant ses outils de cambrioleur, il mène une vie paisible tout en restant fidèle à ses convictions anarchistes. Mais le 28 août 1954... Je n'y tiens plus. Tant pis, la fenêtre ferme mal en forçant... Ah, voilà. C'est ton Marius qui t'a appris à forcer les fenêtres? Aide-moi enjambée. Josette? Je te le disais qu'il n'était pas là. Si. Il est là. Dans sa chambre. Que veux-tu dire? Il s'est donné la mort. Mon Dieu. Il s'est injecté une ampoule de morphine qu'il a partagée avec Negro. poids. On les croirait endormis. Sur la table, là, qu'est-ce que... Il a laissé un mot pour les voisins. 28 août 1954. Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. Je la cosse. Excusez. Vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetterie. À votre santé. Mon Marius. Il m'avait dit qu'il avait assez vécu. Il ne voulait pas aller plus loin. Je lui avais demandé de m'accorder au moins 1 an. D'ici là, je pensais que notre amour l'aurait fait changer d'idée. Ma pauvre Josette. Marius Jacob, changer d'idée. Marius Jacob, l'Arsène Lupin en drapeau noir de Patrick Péchereau avec Marius Jacob, Marc Léognan, Léon Ferrand, Barthélémy Méridjan, Gilles, le commissionnaire du Mont-de-Piété, Martin Amic, l'inspecteur Duval, Marc Chapira, le commissaire du Midi, Jean-Claude Bonifay, Josette, Elsa Bosque, Louise, Yaël, El Haddad, le commissaire de la Sûreté, Philippe Bottier. Bruitage Sophie Bissans, prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Manon Houssin, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Benjamin Habitant. Vous écoutez France Inter dans quelques minutes avec mon invité Patrick Péchereau. Nous reprenons la discussion sur Marius Jacob, anarchiste et cambrioleur. Tant que tu ne m'écoutes pas, tant que tu m'ensorcelles, reste prisonnière, prise au piège de tes merveilles. Écoute mon cœur, il t'appelle aussi fort qu'il le peut. Regarde un peu ma lueur, autant que tu veux. Et Sandra Nkake, Mon cœur sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Élise Christophe. Patrick Pêchereau, donc l'histoire que je viens de raconter, dont vous êtes l'auteur, se termine par le suicide de Marius Jacob le 28 août 1954. Il est dans le Berry, il avait 74 ans. Comment expliquer ce geste? C'est le geste d'un homme désabusé, un anarchiste qui n'aime pas le monde comme il va, ou au contraire, c'est un ultime pied de nez de quelqu'un qui veut toujours garder la maîtrise de sa vie, même dans la mort? Je crois qu'il y a surtout cette seconde hypothèse, oui, bien sûr. Alors le côté fatigué, désabusé, peut-être, enfin surtout fatigué, mais... Oui, j'ai la cosse, j'ai voilà, la flemme. Voilà, et puis quand même après 22 ans de bagne, on a le droit d'être physiquement fatigué aussi. Ouais. Mais c'est surtout le geste de quelqu'un qui veut maîtriser aussi sa mort, voilà, qui décide qu'il a assez vécu et qui s'en va. Et il fait ça un dimanche pour pas déranger les voisins. Oui, et puis il laisse du vin à boire pour ses amis, il y a quelque chose de sympathique. Qu'est-ce qui prime chez Marius Jacob? C'est l'anarchiste ou le voleur? Est-ce qu'il est profondément anarchiste et profondément voleur? Profondément anarchiste, oui, ça c'est évident. Il a commencé à militer chez les anarchistes avant de voler. Et voleur aussi, donc il est vraiment les deux à la fois. Pour lui, ça, c'est un ensemble. Voilà, il fait partie de cette tendance, les illégalistes. En plus, il ne vole pas que pour lui, puisqu'il redistribue une partie de son butin. Alors les 10%, c'est la règle pour la bande. Tous n'étaient pas anarchistes, c'était une bande un peu multiforme. Les gens venaient, repartaient. Mais vraisemblablement, lui a donné plus que 10%. Il n'a jamais roulé sur l'or, Marius Jacob, non, jamais. Ce qui est étonnant chez cet homme, c'est son mélange de combativité, de conviction, donc, et en même temps de verve et d'humour. C'est quelqu'un qui aime la parole, il a appris enfant à lire, il aimait beaucoup lire, et il a cette dimension littéraire presque, évidemment, que vous, écrivain, forcément, avez apprécié. Ben, il a lu beaucoup de romans d'aventure, c'était un dévoreur de Jules Verne notamment, mais c'est un autodidacte, hein, et vous l'avez rappelé, il a été mousse à 11 ans, donc il s'est formé. Il a eu quand même un passage, c'est assez bizarre vu son parcours, dans une école religieuse où ses parents l'avaient placé. Oui, parce que c'est pas un enfant non plus de miséreux, quoi. Enfin, ses parents étaient modestes, mais c'était modeste, pas... Oui. Mais son père était boulanger de marine. Ouais, il l'a envoyé à l'école quand même. Voilà. Ouais. Mais oui, il y a cette dimension revendicatrice très très forte qu'il exprime dans son texte « Pourquoi j'ai cambriolé ». Ah oui, c'est un texte assez étonnant qu'il écrit pendant qu'il est en prison et pendant son procès, donc en 1905, qu'il va déclarer, qu'il va dire pendant son procès et qui va être publié dans un journal Germinal, donc pendant le procès. Voilà. Un texte extrêmement virulent et après, enfin, qu'on peut apprécier ou pas, mais qui est très, très fort. Il fait pas profil bas du tout pendant son procès. Il affirme ses actes et il les affirme politiquement par ce texte. Pourquoi j'ai cambriolé? Il explique pourquoi il s'en prend à cette société, à cette bourgeoisie, à une époque où la condition ouvrière est extrêmement dure. Hein, on l'a oublié aujourd'hui, ça, mais c'est vraiment très, très dur. Et il est debout, il se met les rayures de son côté, parce qu'il a un texte effectivement très, très marqué, très dur, mais sans cesse, il va se jouer de la cour. Le magistrat lui demande de se découvrir, il lui dit bah non, moi je me découvre pas, vous avez bien un chapeau sur votre tête, voilà. Enfin plein de choses comme ça qui sont un peu peuvent sembler un peu ridicules, mais qui sont en même temps qui font rire la salle. Bien sûr, et puis l'histoire des images licencieuses dans l'église qui est vraie, évidemment quand ça arrive sur le tapis là les rieurs applaudissent. C'est drôle comme les Français sont attachés à la propriété, la leur, bien sûr d'abord, et en même temps ils adorent les histoires de gendarmes qui sont ridiculisés par des voleurs. C'est comme Guignol, quoi. C'est-à-dire qu'au départ de son procès, il y avait une partie de la population qui appelait à mort, quasiment. Et puis, il les a retournés pendant le procès. Alors, il faut voir qu'il volait, il volait pas n'importe qui. Il ne serait pas venu chez vous voler les bijoux que vous laissez sur la table de nuit. Il s'en prenait vraiment à une catégorie de la population. Pour lui, ça faisait partie d'une espèce de guerre de classe. Et une partie de la population n'avait rien à redouter du voleur Marius Jacob. Alors, c'était cette espèce de vengeance par procuration aussi d'une partie de la population la population ouvrière, voilà, riait à ses exploits, effectivement, parce qu'il volait les riches. Donc malgré cette éloquence, Marius Jacob est condamné au bagne. Il y arrive en 1906. Ce n'est pas une condamnation à mort, mais presque. Il va appeler ça la guillotine sèche. C'est des conditions extrêmement dures, très violentes. Assez terrible. On ne sait plus ça aujourd'hui. Je crois que la moyenne de vie d'un bagnard, la durée de vie moyenne devait être 5 ou 7 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il mourait sous la malnutrition, les coups des gardiens, les coups qu'ils échangeaient entre eux, les fièvres, les maladies tropicales. C'était épouvantable. Les gens qui allaient là-bas... très très peu en revenaient. Et puis il y avait les relégués aussi, ceux qui avaient été condamnés, les multirécidivistes à des petites peines, on les expédiait. Alors ils n'étaient pas bagnards, c'était pas très haut forcé, mais ils étaient relégués, c'est-à-dire qu'ils partaient là-bas et puis voilà, on les mettait là-bas, on ne voulait plus les revoir. Il va malgré tout multiplier les tentatives d'évasion. 17, il lâche rien, hein, Marius Jacob. Rien du tout, rien du tout. Il va en faire une notamment avec Eugène Dieudonné, qui est un des membres de la bande à Bonneau. Ils se sont retrouvés là-bas. Et ils ont essayé de s'évader ensemble, mais ils ne lâchent absolument rien. Et je crois qu'il fera une dizaine d'années de mitard et de cellule pour toutes ces tentatives d'évasion et ces insubordinations au bagne. Oui. Ah, il va finir par être libéré en 1927 grâce à sa mère et grâce aussi à une campagne de soutien menée en métropole, notamment par Albert Londres. Oui, sa mère jouera un rôle énorme dans toute la vie de Jacob. D'ailleurs, elle participe en second rang à leurs expéditions, elle les aide. Il a une correspondance codée avec sa mère qui lui permettra à Marie d'organiser de l'extérieur une campagne de soutien qui durera quasiment tout le temps que Marius Jacob est au bagne. Et ce qui sera le déclencheur, c'est l'arrivée d'un médecin au bagne qui s'appelle Louis Rousseau, qui se liera de sympathie, d'amitié avec Jacob et qui sera horrifié par ce qu'il découvre au bagne. Rousseau publiera un livre 2 ans après sa sortie du bagne, qui restera 2 ans affecté là-bas comme médecin des bagnards, et il publiera un livre 2 ans plus tard qui aura un certain retentissement sur ce qu'il a vu. Rousseau fera rencontrer Jacob par Londres. Albert Londres, le grand journaliste. Voilà, qui réalise un reportage sur le bagne. Et Albert Londres collaborera à la campagne de soutien de Jacob, qui connaîtra vraiment un essor important. Il sera le symbole du bagnard qui n'a pas voulu se laisser écraser. Quoi. Et puis c'est un bagnard, c'est pas un bagnard crapuleux, c'est un voleur, mais voilà, c'est pas un dégorgeur d'enfants. Hein. Donc ça donne une dimension tout à fait autre au personnage quand on veut mener une campagne sur les bagnes. Donc, il sera libéré en 1927. À son retour en France, il abandonne la cambriole, mais pas l'anarchie. En 1939, il s'installe donc dans le Berry, où on l'a vu, il va trouver la mort en 1954. Enfin, il va provoquer sa propre mort. Mais malgré tout, la police continuera à le surveiller. Merci beaucoup, Patrick Péchereau. Votre dernier livre, c'est Une plaie ouverte, qui a été publié chez Gallimard dans la série Noire. Vous êtes aussi l'auteur de Le Voyage de Phil, un livre pour la jeunesse qui évoque notamment le personnage de Marius Jacob, qui a été d'abord édité chez Syros et qui ressort ces jours-ci chez Scup. C'est bien ça? C'est ça. Et bien sûr, la biographie de référence, Alexandre Marius Jacob, voleur et anarchiste, de Jean-Marc Delpech. Autant en emporte l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Cette émission, vous pouvez la réécouter ou la podcaster, et bien sûr toutes celles que vous auriez pu manquer, sur le site franceinter.fr. J'attends aussi vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons sur le Titanic, en compagnie de Michel Navratil, ce petit garçon qui, à l'âge de 4 ans, fit partie des 700 rescapés du naufrage du célèbre paquebot en avril 1912. Après la découverte de l'épave, Michel Navratil, devenu un vieux monsieur, un vieux philosophe, retournera en 1996 sur les lieux du naufrage où son père avait trouvé la mort. Michel Navratil, orphelin du Titanic, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.